À l'occasion de la journée de la brillante étoile, fête suprême de la nation, la place du Palais du Soleil de Kumsusan a abrité le 14 février le rassemblement des jeunes étudiants pour jurer d'honorer à jamais le général Kim Jong-il comme soleil du Chuché et de suivre le dirigeant suprême Kim Jong-un pour l'achèvement de l'œuvre révolutionnaire Chuché. Les participants, cadres de l'Union de la jeunesse et du secteur intéressé, jeunes étudiants de la ville de Pyongyang, se sont inclinés d'abord devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Les orateurs ont prêté serment de rester descendants du président Kim Il-sung, soldat et disciple du général Kim Jong-il, et de suivre fidèlement le dirigeant suprême Kim Jong-un pour édifier une puissance socialiste Chuché à jamais prospère.